projet 6 qui est financé par l'opération Initiative de l'Association des étudiants ici à Loyola. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Michel Chartrand, président général du Conseil central des syndicats nationaux de Montréal. Le format est pas mal flexible. M. Chartrand vient de m'informer qu'on peut même l'interrompre pour lui poser des questions. Alors, on ne sera pas obligé d'attendre une période de questions. Okay, in the name of Project 6, sponsored by Operations Initiatives of the LSA, I'd like to welcome Michel Chartrand here at Loyola today. The format is very flexible. You can interrupt and ask questions at any time. Thank you. Alors, Monsieur le Président, mes amis, je suppose que vous comprenez tous le français, oui? Oui. Are there any of you who are bilingual and understand only English? Please raise your hand. It's an English school. Ah bon. Then you will have the opportunity to have a speech in French. Alors, ben moi, c'est à votre goût, je veux dire. C'est ça que c'est un collège anglais ici. Puis je sais que même dans les universités anglaises du Canada, on n'apprend pas le français comme langue seconde. Alors, je suis bien d'accord pour parler anglais, si vous voulez. S'il y en a un certain nombre qui ne comprennent pas le français, je veux bien parler anglais. Moi, je n'ai pas d'objection. Okay, then. Anyhow, even if I would speak in English, you'll have to understand French to understand my English, so I might as well speak in French. Alors, on m'avait demandé de vous parler du syndicalisme et puis des autres sujets que vous voudrez. Si vous avez des sujets qui vous tiennent, qui vous intéressent davantage, moi, je suis bien prêt à commencer avec ce que vous voudrez. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions que... Parce que je suis de l'avis de Claudel, moi, l'éloquence doit être envisagée du point de vue du consommateur. Je suis pas capitaliste, mais on parle aux gens de leurs préoccupations. Autrement, ça fait des cours académiques comme à Loyola puis à l'université. Puis ça, c'est pas notre genre. On n'est pas payé pour donner des cours. On est payé pour se parler puis essayer de régler des problèmes puis solutionner des problèmes. Au niveau du Conseil central de Montréal de la CSN, ça regroupe environ 358 syndicats. Il y en a des ingénieurs de l'hydro, des ingénieurs de la ville, des professionnels. Puis il y a des travailleurs des commissions scolaires, des enseignants, et des employés d'hôpitaux, en très grand nombre, une vingtaine de mille peut-être. Alors, dans les employés d'hôpitaux, ben, vous avez des collets blancs et des collets bleus, si on veut faire des distinctions particulières. Et puis après ça, il y a des employés de l'entreprise privée, toutes sortes d'entreprises privées, des produits chimiques, de la métallurgie, de la chaussure, du vêtement, puis ainsi de suite. Alors, pour les négociations collectives, pour la convention collective de travail, ça, c'est réglé par des fédérations professionnelles. La Fédération des ingénieurs et cadres, la Fédération de la FAS, la Fédération des affaires sociales, les employés d'hôpitaux, la Fédération des services publics pour les employés des commissions scolaires puis des municipalités, la Fédération du commerce, la Fédération de la métallurgie, la Fédération de la pulpe et du papier, la Fédération des enseignants, et ainsi de suite. Il y en a une douzaine. On essaye de voir à ce que ça ne divise pas trop la classe ouvrière parce qu'à l'intérieur de ces fédérations-là, on finit par avoir des techniciens qui sont réalistes, qui ne rêvent pas en couleur, puis qui sont pratiques, puis à un moment donné, oublient de faire du syndicalisme. Et puis, ils se font intégrer dans le système capitaliste. Il y a un ami Votre Bonkeur qui a écrit un excellent essai sur le syndicalisme nord-américain. Il y a quelques années, ça s'appelait, je pense, La ligne du risque. Ça a été publié dans les éditions HMH. C'est un essai d'une cinquantaine de pages sur le syndicalisme en Amérique du Nord, puis ça parle beaucoup des unions internationales, c'est-à-dire des unions qui ont leur bureau-chef aux États-Unis, mais ça pourrait s'appliquer aussi aux unions nationales canadiennes puis aux unions québécoises, y compris la CTCC dans ce temps-là puis la CSN. Parce qu'on a toujours La tendance, pour diverses raisons, des fois c'est à cause de la facilité que ça peut apporter, ou bien non, ça peut être parce qu'on n'a pas le goût de se battre davantage, ou bien non, comme disait Marchand, les travailleurs sont fatigués. Lui, il décidait qu'il était fatigué, les travailleurs, quand lui était fatigué, des fois. À un moment donné, il s'est trouvé assez fatigué qu'il s'est ramassé à Ottawa au Sénat. Au ministère, c'est l'équivalent du Sénat, je veux dire, pour ce qu'il décide, étant donné que c'est décidé par l'ambassade des États-Unis de l'autre bord de la rue. Alors, pour nous autres, de plus en plus, la convention collective de travail, c'est un contrat temporaire d'esclavage volontaire. C'est les travailleurs eux-mêmes qui limitent leur participation dans l'entreprise à cause de la pression patronale, de l'arbitraire patronal, et puis de l'essence, de la nature même du système capitaliste. Le syndicaliste qui vit dans un milieu capitaliste, il vit dans un milieu de dictature, parce que le capitaliste, c'est du fascisme par essence. Le capitaliste, il veut maximiser ses profits. C'est sa loi, ça. C'est sa nature propre. Maximiser ses profits. Alors, il n'y a pas de considération sociale, il n'y a pas de considération nationale, il n'y a pas de considération patriotique. C'est inhumain, asocial, anational, apatride. Le pouvoir économique dans un régime démocratique comme le nôtre domine le pouvoir politique pour s'accaparer les ressources naturelles, pour avoir une législation sociale qui va être rétrograde, puis avoir une législation ouvrière qui va être réactionnaire. Ça, c'est nécessaire pour poursuivre sa fin qui est l'augmentation, la maximisation du profit en fonction des intérêts de l'entreprise. Ça n'a rien à voir avec les produits qu'il fabrique, ça n'a rien à voir avec les services qu'il donne à la population. Ça n'a rien à voir avec la concurrence non plus, parce que c'est une économie qui est de plus en plus concentrée. Aux États-Unis, il y a à peine une centaine de compagnies qui domine à peu près 75% de la vie industrielle de la plus grande puissance industrielle de l'histoire de l'humanité. Puis quand on regarde les directeurs de cette centaine de compagnies-là, ben on les voit sur différents directorats, interlocking directorates. C'est la même chose pour les directeurs des banques au Canada. On retrouve des directeurs de banques au Canada qui occupent jusqu'à 50 directorats et qui contrôlent 5 milliards plus que ça, je pense, d'actifs. Puis alors, au milieu de ces directeurs-là, il se trouve des technocrates. Monsieur Galbraith, le grand sage des États-Unis, prétend que c'est la technocratie qu'il faut civiliser. Or, les technocrates, ils font selon qu'on leur demande. Si la finalité du régime dans lequel les technocrates travaillent, c'est la maximisation du profit, ben ils vont travailler pour maximiser le profit. S'ils sont dans un régime socialiste, ben là, ils verront peut-être à satisfaire des besoins du peuple. Les besoins primaires, puis les besoins secondaires, puis les besoins tertiaires. Le mal, il n'est pas dans la technocratie, le mal, il est dans l'utilisation de la technocratie. Alors, quand on regarde la centaine de compagnies des États-Unis qui dominent la puissance économique du monde entier, ben alors là, on va se retrouver avec, c'est pas moi, peut-être une quarantaine ou une cinquantaine de technocrates, je veux dire. C'est eux autres qui faisaient l'appui et le beau temps dans le Proche-Orient depuis longtemps. Puis ils disaient, les Arabes, c'est une poussière de peuple, ça, c'est pas la rationalité des Blancs. Les Anglais nous ont pris ça, puis les Français nous ont pris ça, que les Arabes, c'était pas mal des pouilleux du désert, ça, puis il n'y avait rien de bon à faire avec ça. Alors, là, ils nous ont appris qu'ils étaient capables de se grouper, et puis qu'ils étaient capables de monter les prix comme les compagnies capitalistes, puis qu'ils étaient capables de fermer le robinet s'ils voulaient. C'est une bonne leçon pour les Blancs. Oui. Oui. Je veux bien y arriver, je veux dire, c'est un exemple probant du capitalisme et de la désorganisation du capitalisme au Canada. Le Canada est un pays exportateur de pétrole. Puis là, on est rendu, l'huile à chauffage à 29 cents, puis l'essence à 65 cents. Alors, ce qui fait dire que the solution to pollution, the Arabs. Parce que le char de l'année, il va rester au garage tantôt, puis le skidou et tout. Puis là, les gens s'achètent des poêles à bois, ils fournissent pas les listes d'attente pour les poêles à bois. Ça, c'est dans notre société avancée. Un autre exemple qui va avec le pétrole, mais qui ne se mélange pas avec, malgré que des fois ça l'est, c'est aux États-Unis quand ils manquent d'eau potable pendant l'été. Ils vont à la Lune, puis là, ils ont des gars qui sont pas loin de là, puis qui se promènent en l'air pour longtemps. Puis tout ça, ça va très bien, sauf qu'ils manquent d'eau potable des fois pour mettre dans leur scotch. Alors, ça nous donne une idée de la rationalité des gars qui dominent la société, le capitalisme. Au Québec, notre pétrole, il vient d'Arabie Saoudite puis du Venezuela. Mais le Venezuela, les investissements qu'il y a là, c'est des investissements des États. Quand le Venezuela va dire arrêtez, on ne veut plus que vous alliez jouer au Canada, ils vont arrêter de venir jouer au Canada, puis on n'aura plus de pétrole de là. Puis l'Arabie Saoudite, ben, pourrait dire la même chose parce qu'on est des complices des États-Unis dans le monde entier. En Grèce, au Portugal, dans les colonies de l'Afrique australe, Mozambique, Angola, Guinée-Bissau, et puis un peu partout dans le monde. En Amérique latine, on est les complices directs des États-Unis. Au Chili, on a un petit exemple en passant, là. Ça veut dire qu'au Canada, le pays exportateur de pétrole, puis le Québec qui n'est pas séparé, parce que, comme dit M. Trudeau, 30 % de monde qui veulent l'indépendance puis qui sont contre le fédéralisme, c'est passé. Il dit que le sentiment diminue, le sentiment d'indépendantisme chez les Québécois, avec 7 % de plus de votes. Mais c'est une interprétation qui est très, très raisonnable, je veux dire, pour ceux qui veulent penser comme ça, puis pas voir ce qui se passe dans le pays. Mais de toute façon, jusqu'à nouvel ordre, le Québec fait encore partie, puis les provinces atlantiques font encore partie du Canada. Sauf que le pétrole du Canada, il ne venait pas jusqu'à l'autre bout du Canada. Il bifurqua vers les États. Le gaz naturel, il bifurque vers les États. Ça coûte meilleur marché avoir du gaz naturel à Chicago que ça coûte dans certaines parties du Québec puis du Canada. Mais il arrive que le gaz naturel, le pétrole au Canada, il est dominé à peu près à 95 % par des intérêts des États-Unis. La Trans-Canada Pipeline a été payée par le peuple du Canada, 125 millions. Il y a eu le Black Friday à Station, les Anglais ont protesté, le Parti conservateur, ils ont mis un Union Jack, parce qu'il n'y en avait pas d'autres dans ce temps-là, sur le pupitre de M. Fulton, je pense. Et puis, c'est un scandale. Puis là, on a vu monter les parts à la bourse des petits pères de l'Alberta. Ceux qui disent « Let those bastards die in the night », en parlant des gars de l'Est. « Freeze in the night », qu'ils disent, malgré qu'on s'est déjà chauffé avant d'avoir du pétrole, puis on va se chauffer quand même qu'on n'aura pas de pétrole. Les Esquimaux, ils n'ont pas de pétrole, puis ils vivent au chaud. Il paraît qu'ils couchent à poêle à bord de ça, puis ça reste un peuple très chaud, je veux dire. Les Gaspésiens, ils ont du pétrole chez eux, sauf qu'il n'est pas exploité. Les compagnies n'ont pas décidé de l'exploiter. Alors, toutes les ressources naturelles, puis on le voit, des sources énergétiques, c'est dominé par des étrangers, par des compagnies privées. Tout à coup, le Canada se réveille, puis les gars disent, dans l'NPD, puis même dans le Parti conservateur, il faudra nationaliser les sources d'énergie. Mais en vertu de quoi? On a une philosophie d'entreprise privée. On n'est pas pour aller arrêter le progrès qui s'en va si bien. Les profits des compagnies de pétrole dans les trois derniers mois, ça a augmenté en moyenne de 60 à 90 % d'augmentation de profits. Avant même que le pétrole cesse de venir du Proche-Orient, les prix continuent à monter. En période d'inflation, d'ailleurs, les prix montent toujours en ascenseur. Puis les salaires, eux autres, il faut les négocier pendant des mois, spécialement pour les employés de la fonction publique, les hôpitaux, les enseignants puis les autres. Ça prend 22, 26 mois, ça. Ce que les entreprises privées font pas, parce qu'il est mieux avoir des ouvriers de bonne humeur pour faire des chaussures. Mais pour l'administration publique, des employés d'hôpitaux mécontents, c'est pas grave, parce qu'on n'a jamais vu les malades descendre dans la rue pour faire des manifestations. Alors, on peut les oublier facilement. Alors, c'est ça qui est l'harmonie puis la rationalité du capitalisme. Le Canada, pays exportateur de pétrole, bien, il risque d'en manquer, puis il va être obligé de se rationner. Remarquez que moi, ça me dérange pas beaucoup, je veux dire. Moi, je suis d'accord pour les transports en commun. La circulation puis les autoroutes, ça vient après qu'il y a du transport en commun organisé rationnellement pour éviter le gaspillage puis permettre aux gens de se rendre à leur travail puis de se rendre à leurs études. Je ne suis jamais allé à Moscou, mais je connais des gens qui sont allés à Moscou puis les étudiants voyagent en autobus puis ça marche à l'heure puis ils se rendent puis ça revient puis les enfants puis les travailleurs puis tout ça. Les stations d'essence sont dans le fond des ruelles. Ils ne sont pas civilisés, seulement ils trouvent que ce n'est pas des affaires pour décorer les coins de rue, je veux dire. Puis ici, ben, je regardais chez nous, par exemple, quand j'habitais à Longueuil, il y avait trois coins de rue, il y avait quatre coins chacun. Puis il y avait une station d'essence chacun. Ça faisait 12 stations en ligne. Tous le même prix, tous la même qualité, tous des employés mal payés. Alors, le pétrole, ça peut être une illustration du système capitaliste au Canada. Là, ce qu'on va nous apporter comme solution, ça va être de faire un port de mer et puis d'amener des pétroliers que les États-Unis veulent pas voir chez eux parce que c'est trop dangereux pour la pollution. Alors que dans notre pays, il y en a déjà du pétrole là-dedans. Au Conseil central, comme je vous disais tantôt, on négocie pas les conventions collectives, c'est les fédérations professionnelles, sauf qu'on collabore avec les travailleurs quand ils se préparent à faire la grève ou quand pour les services d'éducation, les services d'information, puis toute une série de services pour l'assurance chômage, les accidents de travail, puis un tas d'affaires comme ça. Le but premier du syndicalisme, d'après nous, on a voté ça d'une espèce de déclaration de principe, c'est de lutter contre l'arbitraire patronal puis l'exploitation des travailleurs à l'intérieur des lieux de travail, sur les lieux de travail, puis à l'extérieur des lieux de travail. Ce qu'on appelle le premier front puis le deuxième front, mais en fait, c'est que ça peut pas se diviser, ces deux fronts-là. C'est la lutte de la classe ouvrière contre l'exploitation capitaliste. Alors, la lutte de la classe ouvrière sur les lieux de travail, protéger la santé, la sécurité d'emploi, avoir des conditions de travail et de salaire convenables. Et puis, à l'extérieur, ben, essayer de se battre contre l'augmentation du coût de la vie, se battre contre l'augmentation du transport et de la nourriture. On a fait le service de recherche de la CSN, vient de publier des documents sur l'augmentation du coût de la vie. C'est une affaire extraordinaire. Je veux dire, les augmentations de profit de Dominion Store, puis de Steinberg, puis des salaisons, puis ainsi de suite. Puis ça ne fait pas l'augmentation des revenus des cultivateurs, je veux dire, ça fait juste les intermédiaires qui volent davantage, et les producteurs et les consommateurs. Alors, c'est à peu près le champ des activités, ce que nous avons au Conseil central. Puis essayer de bâtir une conscience de classe, et puis essayer de bâtir la solidarité ouvrière, des syndiqués puis des non-syndiqués, puis de cet ainsi plus particulièrement avec les immigrants qui se font ravauder par les gens qu'ils ont fait venir, puis par le gouvernement qui les pourchasse quand ils ont le malheur d'être un peu militants dans des organisations pour leur protection personnelle, ben non, pour la protection des autres, des chômeurs, des assistés sociaux ou des autres immigrants. C'est à peu près le champ de notre activité, ça. Les travailleurs affiliés au Conseil central payent 30 cents par mois par membre, puis il y en a à peu près 60 000, alors ça vous donne une idée des revenus qu'on a. Oui? Face au nouveau gouvernement, ça ne nous dérange pas beaucoup parce que c'est comme l'ancien gouvernement. Et puis, contre l'ancien gouvernement, qui était un gouvernement capitaliste, on est opposé parce que ce n'est pas vraiment un gouvernement, je veux dire. C'est des marionnettes de compagnies étrangères. Quand on regarde le phénomène de la Basse-Côte-Nord, 25 000 milles carrés de forêts en bois de bout qui ont été données à International Telephone and Telegraph, plus des dizaines de millions pour sortir le bois de là. Ça travaille jour et nuit, puis ils prennent l'arbre, puis ils le mettent, ils le chopent en copeaux sur les lieux, puis après ça, c'est mis dans des réservoirs, puis c'est shippé à l'étranger. Puis il y a des gens qui habitent sur la Basse-Côte-Nord, comme la famille de Vigneault, qui sont à Natashquan, entre cette île et puis Blanc-Sablon, à la frontière de Terre-Neuve. Ils n'ont jamais eu de route pendant 300 ans, ce monde-là. Il faut se rendre là par avion, ben non, par petit bateau. Là, il y a des routes pavées pour sortir le bois. Quand j'étais dans le Proche-Orient, il y a 2 ans, puis que j'expliquais ça en Irak, dans le milieu du désert, au Caire, puis je disais, mon gouvernement, il vient de donner une forêt en bois de bout de 25 000 milles carrés, puis votre kilomètre, c'est seulement 60 % d'un mille. Là, les gars, ils me regardaient, puis ils ne répondaient pas. J'avais nettement l'impression qu'ils me prenaient pour un maudit menteur. J'ai dit, à bord de ça, il leur fournit 40 millions pour sortir ce bois-là. Là, je me disais, ils doivent dire, ils charrient, c'est un crise de temps, ce gars-là. Tout ce qu'on leur fournit pas, je dis, c'est les bateaux pour transporter ça à l'étranger parce qu'on a détruit des chantiers maritimes. La Vickers, qui était à l'entrée de la voie maritime du Saint-Laurent, en 2 trous d'eau, dans un pays où il y a 3 autres trous d'eau dans le centre, puis les chantiers maritimes de Lauzon qu'on a détruits. Celui de l'Avequeur, ça faisait 50 ans qu'il travaillait là. La dernière journée qu'il y a eu des travailleurs là, j'ai vu des gars qui venaient de la Clyde en Angleterre, qui étaient là depuis 40 ans, d'autres qui étaient là depuis 25 ans. Ils ont fait toutes sortes de bateaux, ils ont réparé toutes sortes de bateaux. Ils allaient aussi vite, sinon plus vite que n'importe où dans le monde, puis à meilleur compte que n'importe où dans le monde. Sauf que les administrateurs de l'Avequeur, comme M. Filion, à Sorel, à la Marine Industries avec les Simards, il faisait poinçonner le gars sur un bateau du gouvernement, puis il poinçonnait en même temps sur un bateau privé. Ça faisait cher, cher, cher pour les bateaux du gouvernement. Ça faisait des beaucoup, beaucoup de profits sur les bateaux privés. Ça, ça a marché tout le long avec eux, ça a marché dans les autres chantiers. Puis c'est pas sûr que ça marche pas encore, à part de prendre les travailleurs, de les faire poinçonner, ou bien non, de faire poinçonner leurs cartes par les contremaîtres, puis aller bâtir des maisons pour les officiers de la compagnie. On the Riverside Drive in St. Lambert. Ça, on a vu ça. Comme on voit ça des chantiers de construction, des affaires qui sont à bracadabranche, je veux dire, puis où les entrepreneurs puis les ingénieurs volent le public sérieusement. Tous les édifices publics, d'un bout à l'autre du Québec, je veux dire. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de respect pour ce gouvernement-là, je veux dire. Le droit de grève, il est dans les statute books depuis 1872, dans le code criminel, pendant des grèves à Toronto. Le gouvernement de John A. Macdonald, le vieil ivrogne conservateur qui était là, a voté le droit de coalition puis de peaceful picketing in 1872. Parce que c'est tout en anglais, le code criminel. En Angleterre, le droit de coalition est attendu 1871, ce qui est bien normal que la colonie adopte la même loi par après. Mais en plus de ça, le gouvernement du Québec avait admis que les travailleurs de la fonction publique avaient le droit de faire la grève. Par-dessus le droit qui est dans le code criminel. La grève a commencé. Coupe de 100 000 travailleurs. À Montréal, on avait à peu près 200 lignes de piquetage. Là, on a entendu les baveux du nom de Bourassa puis d'autres trous de cul du même acabit dire que les travailleurs se faisaient casser les bras pour venir ces lignes de piquetage. Il n'y a pas un travailleur qui a été blessé sur une ligne de piquetage pendant cette grève-là. On a entendu des baveux puis des menteurs publics comme Bourassa puis d'autres de même acabit dire que les patients étaient pris en otage. Or, les syndicats ont négocié volontairement au-delà de 139 ententes dans les hôpitaux. Là, pour les services essentiels. Là où il n'y a pas eu d'entente pour les services essentiels, c'est la direction qui a refusé. Sur instruction de l'Association des hôpitaux, sur instruction du gouvernement du Québec. Puis je peux vous donner l'exemple des employés de Saint-Jean-de-Dieu. Ils étaient au-delà de 2000 dans l'aréna Paul Sauvé. Ils ont discuté pendant une après-midi savoir s'ils accorderaient des services essentiels aux vieilles garces de sœurs qui étaient là. Ils ont décidé que oui, de fournir 500 travailleurs, l'équivalent de ce qu'il y a pendant une fin de semaine tranquille. On a eu deux lettres de la révérende mère supérieure, une au syndicat des employés généraux, une au syndicat des infirmières disant qu'elle ne pouvait pas discuter avec eux autres parce qu'ils étaient en grève illégale. Par conséquent, ce n'était pas dans l'intérêt des patients. Ça a été comme ça dans les autres places. Sauf qu'on s'est mis à dire partout dans la province, les travailleurs d'hôpitaux, c'est des barbares, patapatapatapatap. Sauf qu'avant qu'il y ait des syndicats dans les hôpitaux, puis dans les syndicats Royal Vic, puis Montreal General Hospital, puis Children's Memorial, puis Lakeshore, puis Lakeshore, ça continue encore, il y a un roulement de main-d'œuvre d'au-delà de 35 %. Dans les autres hôpitaux, il y avait un roulement de main-d'œuvre de 50 %. Ça veut dire que de la cave au grenier, c'était des apprentis qui travaillaient là. Parce que c'était des mauvais salaires puis des mauvaises conditions de travail. Depuis qu'il y a des syndicats, c'est plus stable, puis les employés restent là davantage, puis ils apprennent leur métier, puis ils le font convenablement. Mais pendant tout le mois d'octobre, avant les élections, c'est arrivé tout à coup des instructions dans les hôpitaux. Ils ont fermé les cafétérias, par exemple, à l'hôpital de Verdun, où il y a au-delà de 1000 employés. Ils ont fermé la cafétéria à Saint-Luc, où il y a au-delà de 1000 employés. Puis un hôpital, généralement, ça marche 24 heures par jour. Même les médecins qui opéraient la nuit, il n'y avait pas de place pour prendre le café dans l'hôpital. Ils attendaient les employés qui servaient le café dans le lobby de l'hôpital, ou bien non, dans les corridors. Puis on dit, vous ne stationnez plus sur les terrains de stationnement. Ça vient de finir. Ça a donné comme ça pendant la campagne électorale. Il y a même des petites marques de docteurs libéraux qui voulaient que les employés fassent des grèves. Les gens, ils se sont regardés, ils se sont rendus compte que c'était de la provocation. Ils ont brossé leur affaire. Ils se sont fait des cafétérias, eux autres. Il y a des places qui ont réglé des affaires, d'autres places qui ne l'ont pas réglé. Au Lakeshore Hospital, le hot dog, c'est 40 cents, puis un hamburger, c'est 90 cents. C'est ça. Ça marche comme ça à l'avenant, les prix à la carte. Ils sont obligés de servir, d'après la convention collective, un repas à 50 cents par jour. Et en servant à 50 cents, qui est de la bouillie pour les chats. Et puis le reste, ben, ça marche à la carte. C'est juste pour vous dire la façon dont ça fonctionne, puis on voit les gens, puis on voit les éditorialistes qui bardent contre le syndicaliste. Le syndicaliste, c'est la seule force dans Québec qui va chercher de l'argent pour la population de la province de Québec. Puis quand on demande que les fonctionnaires, les gens de la fonction publique, municipaux, commissions scolaires, enseignants, employés d'hôpitaux puis gouvernement du Québec, quand on dit on veut avoir le maximum de conditions de travail puis le maximum de salaire, c'est pour forcer l'entreprise privée à s'en venir à ce niveau-là. L'entreprise privée au Québec puis au Canada, c'est des profits qui s'en vont aux États. Alors, c'est les travailleurs des United Steel Workers of America, quand ils se battent contre l'Aéronord, ils vont chercher de l'argent pour le Québec puis pour le Canada. Ce que le gouvernement canadien n'a pas le cœur de faire, puis le gouvernement québécois non plus. Puis ça, c'est pour le bien-être de l'ensemble de la population. L'assurance hospitalisation, l'assurance santé, c'est pas les chambres de commerce qui ont fait la bataille pour ça. C'est pas les bourgeois des universités non plus. C'est la classe ouvrière qui a fait ça. De même que les lois sociales qu'on connaît aujourd'hui. Les pensions de vieillesse, puis pour les accidentés, puis pour les aveugles, puis pour les autres. Ça a été constamment la classe ouvrière en Europe, puis aux États-Unis, puis au Canada, puis au Québec, qui a lutté pour l'ensemble de la population. Puis tout ce qu'on essaye à dire que c'est des intérêts particuliers, puis que les syndicats viennent trop fort. Même le vieux con Saint-Laurent disait ça, les syndicats sont trop forts. Le Congrès du travail du Canada, ça compte 1 700 000 membres, puis ils vont voir Trudeau, puis ils giflent des deux bords, puis M. McDonald, thank you, sir, we'll be back next year. Alors, c'est pas vrai qu'on est assez fort. On est loin d'être assez fort, puis on est loin d'avoir assez de conscience de classe, parce qu'on se raconte des affaires, puis on a le cerveau lavé par la presse, la radio, la télévision. En Amérique latine, tu vois des gouvernements militaires installés par le CIA, puis en Amérique du Nord, puis dans les pays occidentaux, tu vois le contrôle de la presse, puis de la radio, puis de la télévision. La presse de Montréal, l'Étoile de l'Est de Grande Bay, le Nouvelliste de Trois-Rivières, la Tribune de Sherbrooke, le Soleil de Québec, le Petit Journal, la Patrie du Dimanche, Dimanche Matin, Dernière Heure, puis une couple d'autres, ça c'est Power Corporation. La presse française. En plus des petits postes de radio puis des petits postes de télévision. Ça, c'est la liberté de la presse. We want the liberty of the press. Puis M. Gilbert puis les autres de Power Corporation, ils disaient aux journalistes, je ne veux pas entendre parler de séparatisme. Parler des changements constitutionnels puis de parler de politique constitutionnelle, ça, c'est tabou, ça. Pas supposé parler de ça. Excepté que tu fais un mémoire sur le chômage dans les différentes régions de la province de Québec, dans différentes industries, tu vas porter ça à l'équipe du tonnerre de M. Lesage, alors que le ministre du Travail était un nommé Hamel que les travailleurs avaient fait élire contre Duplessis à Shawinigan, puis il a pris le mémoire de 60 pages, puis il a regardé ça comme ça, puis il dit ça, ça relève d'Ottawa. On a été un peu surpris parce que l'équipe du tonnerre, il devait nous rendre maître chez nous. Alors, on a fait traduire ça en anglais, étant donné qu'à Ottawa, ils sont bilingues. Puis là, on est allé porter ça à Ottawa. Ottawa dit « Nice memorandum indeed ». Oh, j'ai dit « Se prépare à nous fourrer, il a l'air gentil ». Mais il dit « We cannot implement a full employment policy because it will be against the autonomy of the province of Quebec ». Les chômeurs de l'Ontario, ils vont se plaindre à Queen's Park, puis Queen's Park leur dit « You go to Ottawa ». puis ils vont à Ottawa, puis ils disent « Go back to Queen's Park ». Sud-Victoria, dans le BC, c'est la même chose. Alors, ça fait curieux un gouvernement démocratique quand tu ne sais pas qui est-ce qui a la responsabilité. Quand tu ne sais pas en démocratie qui est-ce que tu dois féliciter ou ben non, quel cul que tu dois botter, ça devient frustrant, je veux dire. C'est exactement la situation. Pour la télévision, puis pour les ondes, puis pour les câbles, on ne sait pas ce qui se passe. Pour les impôts, on ne sait pas ce qui se passe. Pour l'agriculture, c'est juridiction mixte. Pour les pêcheries, c'est juridiction mixte. Pour le transport, c'est juridiction mixte. Alors, tu vas-tu en venir à bout, mon Irlandais, ouais? No, don't start laughing. Alors, ça ne serait pas normal qu'on parle de démocratie dans le Canada, je veux dire. Comment est-ce que vous pouvez parler de démocratie quand vous ne savez pas quel gouvernement a l'autorité pour décider? Quand vous vous faites renvoyer d'un gouvernement à l'autre? C'est élémentaire, me semble, en démocratie. Sauf qu'on a la preuve au Canada qu'aucun gouvernement est pour la démocratie. Là, je ne vous parle pas juste de la fraude électorale, là. Je ne sais pas combien, moi, 30 % des électeurs qui ont 6 députés. 50 % des électeurs qui ont 102 députés. Ça fait un genre de représentation démocratique. It's not bullshit, but it's quite near. Mais l'autre affaire, c'est que dans aucune université du Canada, peut-être que ça se fait ici à Loyola, avec les bons pères jésuites qui sont beaucoup plus démocrates, c'est-à-dire, beaucoup plus libéraux. Dans aucune université du Canada, les professeurs et les étudiants ont quelque chose à dire. There is no channel pour le dialogue. Si vous n'êtes pas satisfait, foutez le camp, asseyez-vous, écrasez-vous, faites ce que vous voudrez. Dans aucune université du Canada, les professeurs et les étudiants qui ont le droit de voter au fédéral, au provincial et au municipal, ont quoi que ce soit à dire dans l'administration de leur faculté puis dans l'administration de leur université. Vous avez une question? La quoi? Oui, je connais ça. Oui, quand j'étais imprimeur, oui. Non, je payais plus cher que tous les imprimeurs à Montréal, puis les conventions collectives sont signées. Bien, il faudrait que tu les amènes parce que tu t'es trompé d'homme ou bien non, tu t'es trompé de quelque chose. Mais les conventions collectives ont été signées, puis ont été publiées, puis j'ai payé plus cher les salaires que ceux de la convention collective. Avec le syndicat de l'imprimerie de Montréal, puis avec les United Lithographers of America. T'as menti, j'ai jamais déclaré banqueroute, j'ai vendu mon imprimerie, mon petit garçon. T'es plein de merde. T'es un petit farceur, toi. Ouais. Emporte-les, les documents. Si t'es sûr de ton affaire, apporte les documents, mais va pas lancer des affaires comme ça à l'envers. Ah ben, amène les gars d'abord qui t'ont dit ça. Monsieur De Guise, je le connais très bien, puis je suis sûr que Monsieur De Guise, il te dira pas ça. Oui, bien, ben, fallait venir, M. De Guise, oui. Ah, d'accord, oui. Si quoi? Il y a eu beaucoup de tentatives d'organisation dans les banques. Puis il y en a eu par différentes unions. Mais il y a beaucoup de glorified slaves au Québec. Comme il y a beaucoup de sophisticated colonials. Alors, on pense qu'on est plus fin et qu'on est plus smart que tout le monde, mais les employés de banque, ils se font tirer par les employés qui sont syndiqués. Quand on dit qu'il y a juste 35 à 40 % de syndiqués, on dit une partie de la vérité, mais on ne dit pas toute la vérité. Le fait qu'il y ait 35 à 40 % de gens qui sont syndiqués, puis qui ont des salaires, puis des conditions de travail, puis qui ont un respect de l'ancienneté, ça force beaucoup d'employeurs à s'en venir au niveau de salaire, puis au niveau de conditions de travail. Les employés de bureau, ils ont toujours eu leur sort amélioré après que les travailleurs de l'usine s'étaient mis en grève, puis se battaient pour des conditions de travail. La situation des cols blancs s'est améliorée parce que les cols bleus se sont battus. C'est la même chose pour les ingénieurs, puis c'est la même chose pour les professeurs. Mais t'as encore des professeurs d'université qui sont trop larges pour avoir une union. Puis qui ont des espèces de Glorified Slaves Association. Oui. Comment est-ce que le syndicat est partie intégrante du régime comme tel? On lutte contre le régime? Ben voyons donc, toi, t'es malade. D'un régime socialiste, il va y avoir des syndicats parce que des problèmes des producteurs, c'est pas les problèmes des consommateurs. Puis dans une société civilisée, plus les gens vont avoir de maturité politique, plus la démocratie va être développée, plus il va y avoir des tensions, je veux dire. On va avoir le droit de discuter pour les investissements. Si ça va être dans la sécurité sociale, dans l'éducation, dans le développement des ressources naturelles, dans le développement de l'entreprise secondaire, oh ben non, dans les Jeux olympiques puis dans les bazars internationaux, je veux dire. Puis quand tu me dis pourquoi est-ce que je reste ici, ben c'est parce que ça fait 12 générations que je reste ici puis je pense que c'est mon pays, moi. Puis qu'est-ce qui se passe en Russie puis qu'est-ce qui se passe à Washington? C'est deux affaires différentes puis je n'ai pas à choisir entre les deux non plus. Tu sais, le dilemme de l'âne de Buridan, là, qui est mort de faim entre un seau d'avoine, puis mort de soif entre un seau d'eau puis un seau d'avoine, là. C'est parce que c'est un âne, ça. En arrière du seau d'avoine, il y avait un fouet, puis en arrière du seau d'eau, il y avait un bâton. Alors, ce qu'il faut faire quand t'es pas un âne, tu vas désarmer les gars, tu bois puis tu manges. Et venir nous raconter que si on n'est pas content, on devrait s'en aller en Russie, ça, c'est de la bouillie pour les chats, ça. Ben, tu me demandes pourquoi je reste ici. C'est évident pourquoi je reste ici. Je suis né ici, mes ancêtres sont nés ici. Je suis bien, c'est mon pays, moi, puis j'aime ça, bon, là, ça. Ben oui, bien sûr. D'améliorer le sort des travailleurs pour en faire des robots, ça ne nous intéresse pas. Là, on a de la sécurité sociale. Le welfare state, là, from boom to tomb, là, il est rendu, là. Tu as dans la province de Québec à peu près 394 000 chèques d'allocations sociales, puis un autre 194 000 d'assurance chômage. C'est-tu parce que tout ce monde-là sont devenus paresseux d'un coup sec? Oh ben non, c'est parce que l'économie n'est pas organisée pour utiliser la main-d'œuvre. C'est le seul pays au monde, tu comprends? Le seul pays au monde où il y a tant de chômeurs instruits. Puis pendant la guerre, il y avait à peine 1 % de chômeurs. Là, il y en a 12 à 15 %. Mais ils font des assaisonnements qui disent, là, seasonally, là, puis adjusted, patap, patap, patap, patap. Mais la façon de les compter, on peut les compter par les chèques qu'on remet aux personnes, aux individus. Puis la fraude dans l'assurance chômage, c'est à peine 2 %, puis c'est fait par des professionnels, c'est pas fait par des pouilleux. Puis c'est pas pire que des banques, puis c'est pas pire que des compagnies de finances, puis allez voir les rapports à Ottawa. Seulement, ils les publient pas souvent. Puis aujourd'hui encore, il y avait une déclaration des entrepreneurs ou de l'association du patronat que la sécurité sociale n'incitait pas le monde à travailler. Bien, Christ, il y en a des jobs qui le disent. Des gars qui ont perdu le job à CIL, à Dupont, à Canadian Carborundum, à Fairchild. Pas à Fairchild, à Canadair, je veux dire. C'est pas des journaliers, ça. C'est les gars de pointe, ça. Dans les produits chimiques, c'est des gars de pointe, ça, dans l'industrie moderne. Comment ça se fait qu'ils tombent en chômage tout à coup, je veux dire? Aux États-Unis, il y en a combien? Il y a les gars de l'électricité, les gars de l'automobile, les gars des produits chimiques, et puis il y a les gars de l'acier. En particulier. Pas des ignorants qui ont lâché des jobs à 5$ de l'heure pour le fun d'avoir 100$, 80$ par semaine. D'abord, c'est pas tout le monde qui a 80$ par semaine. Le maximum, ça peut être 82, c'est pas 100. Deuxièmement, c'est que tu ne l'as pas longtemps pour de ça. Hein? Monsieur avait une question, après ça, on va revenir à vous. Oui? What is the question? There is more unemployment in the communist countries. There is more than in Canada, you mean, or in the United States. Yeah. Tell me, sir, there are unions. There are unions in the Soviet unions and in the other countries. They are effective over here. Maybe. Yeah. Where I go is that in the United States, Mr. Eisenhower, Mr. Kennedy, Mr. Johnson, and Mr. Nixon told the world that there were 32 million people who were under the level of, comment est-ce qu'on dit ça, les of poverty. 20 million colored people and 12 million white people. À part des chômeurs, 6 million. Around. If there were 32 million starving in the Soviet Union or in China, we will hear about it. Well, there are newspapermen in all those countries, monsieur. And the newspapermen in North America and in Western Europe are capitalists, are working for capitalist outfit. They will tell us anything that's going on there. Yes, there is a iron curtain. I was never there, but I heard that there was an iron curtain. And I know that in the United States, you cannot go to Cuba. From the United States, no. You never heard that? And this country, Canada, and United States, have tried to asphyxiate Cuba, a country of 6 million people who wanted to get rid of capitalism. This is what they are doing in Chile. They were doing for 3 years against a democratic government who got 43% of the votes, popular vote, after 3 years of rationing on account of the big corporation, the same thing as they are doing here. Whenever they want the chicken price to go up before Christmas, they say there is not much chicken on the market. And you can see the price going up. And I was in Geneva in September, and the price of the paste, les spaghetti, was going up, and the warehouse were full. Because they say wheat will be scarce in the world this year. And the capitalist system has been going on systematically in Chile for 3 years. And all the international corporations have tried to asphyxiate the country. And all the banking system of the world have not recognized their obligation, even Canada here. But right after the coup against democratic government, then the money is flowing back there. And the prices of copper are going back wild. Sure. I was picketing the consulate of the Soviet Union when they were in Czechoslovakia. But I don't have to choose between United States international bandits and the Soviet Union. I am a Quebecer in North America. And I know that my country, from one end of to the other, the natural resources, the basic industries, the manufacturing industries, the public services, are controlled by United States interests, and they run the country. So I say, if I want to keep quiet, I will have social security, even more than we have now. And I will be a robo. And they will bug my house. It is bugged since 1939. I don't give a damn about it. And my office too. But this parliament of ours, while we're talking together or while I'm talking to you, they are willing that any citizen and every citizen will be bugged anytime for anything. Especially if you are a militant in a democratic organization. This is the situation of this police state called Canada and Quebec. And this is the law of the country, monsieur. You can bug anybody and you will tell him maybe 90 days after. I was in jail myself for 4 months and I don't know why yet. Maybe you know, you come from far away, maybe you know better. Yeah? Okay. Good luck for you. You're not a Canadian, you're a slave of United States imperialism. A glorified slave and a colonialist. These are the laws of this country. And I was talking to you about the right to strike. After 10 days of that strike, there came another law that it was forbidden. And it was against the criminal code. Then while during the 10 days, while the people were on strike, the public employees, the hydro employees went on strike. The government told them, now, you're not at the right date. A law-abiding union, they went back to work. Then they came at the date that they were entitled to go on strike. And it was lawful to go on strike. For 6 days, everything was fine. Monsieur Chaquette and Monsieur Bourassa were saying there is no calamity, no national urgency, and so on and so forth. The 7th day of the strike of the people of the Quebec Hydro, the Court of Appeal, the same court who told the James Bay entrepreneur, our friends from south of the border, that they could keep on working against the Indians and the Eskimos there, the same court, uphold the decision of a crackpot in Quebec, Juge Pelletier, Justice Pelletier, to send Pepin, Laberge, and Charbonneau for 1 year. That was the 7th day of the strike of the Quebec Hydro employees. The eighth day of the strike came another new law, national urgency or emergency. And then the right to strike for the Quebec Hydro employees was wiped out. So it is very difficult, you see. You have responsibilities that are shared between the federal and the provincial, and then you have a law that entitles you to go on strike and another law that forbids you to go on strike. It is very difficult to be a good citizen in this country. And then there was another example I will give you. The workers of the building trade around Quebec City were on strike because they were getting wages lower than the other people in the same trade in Montreal of 50 cents an hour and a dollar an hour less. That was an average of something like $50 to $70 a week for the same job. Some workers of the Quebec district were working on the Quebec Bridge, the new bridge, at a salary that was lower of 50 cents an hour or a dollar an hour compared with the other worker who was from Montreal and who was getting his board because he was moved from Montreal to there. So they went on strike for equal wages for the same work. This is a very old principle in the labor movement around the world. And then they want security, that they be sure after they have been tradesmen for 5 years, 10 years, or 15 years, that they still, their property is their job. They went on strike during the summer. Tout à coup, par une belle fin de semaine ensoleillée, le Parlement de Québec s'est réuni. Puis M. Laporte a passé le Bill 38. Il a remis le cheptel ouvrier aux entrepreneurs de la construction. Qu'est-ce que c'était l'urgence nationale à ce moment-là? Ce que tu bâtis pas aujourd'hui, tu ne peux pas l'importer de l'Ontario, ben non, des États. Des hôpitaux puis des routes, tu ne peux pas importer ça, je veux dire. Des maisons, pas beaucoup non plus. Alors, ce que tu ne fais pas aujourd'hui, tu peux le faire dans 6 mois, tu peux le faire dans 6 semaines, tu peux le faire dans 6 jours. Il a passé une loi spéciale, M. Laporte. C'est pour ça que quand il est enlevé, on était content qu'il soit puni. Mais ça, c'est une théorie, ça. La négociation sectorielle. C'est ça qu'on a fait avec les employés d'hôpitaux, que le gouvernement nous a forcé à faire. Mais il arrive que le syndicat qui est militant, lui, il est obligé de marquer le pas. C'est ce qui est arrivé avec les travailleurs manuels de la Commission scolaire de Montréal. C'est ce qui est arrivé avec certains employés d'hôpitaux qui étaient à l'avant-garde. Mais les petites filles qui travaillaient à l'hôpital de Marion-Gaspésie puis qui gagnaient au début des négociations, il y a quelques années, 45 piastres par mois, Rendu à 80$ par semaine, eux autres, ils trouvaient qu'il y avait un maudit bon salaire, puis c'était assez. Alors, les négociations sectorielles, c'est extrêmement dangereux pour le militantisme syndical. Puis on a averti tout le monde. Les labor boss qui pensent que ça va être mieux, là, bien, c'est bien sûr, c'est bien plus simple quand tu règles tout le cas d'un coup. Mais ça ne veut pas dire que c'est même plus efficace pour les travailleurs, parce qu'à ce moment-là, ça fait un national holiday. Pendant la grève de l'amiante en 1949, Thetford, ça a fermé les mines de Thetford en même temps que la mine Jones-Mansville à Asbestos. Alors là, tu ne pouvais plus faire de concurrence entre les autres. Tandis qu'actuellement, Gibson qui ne veut pas régler et qui ne veut pas reconnaître les unions, hein? The civilized Gypsons from the United States without unions, everywhere in North America, even in Ontario. It was about the only place in America where they had unions, in Joliet and Montréal, and the boys are still fighting for. Ben, pendant ce temps-là, c'est les produits de Domtar que les clients vont chercher. Alors ça, ça fatigue la compagnie. Si tu mets Renault en grève en même temps que Peugeot et les autres compagnies d'automobiles, ben là, c'est personne ne peut en avoir. Alors, ils ne se font pas concurrence, puis ça leur fait moins mal que si tu prends juste un groupe, puis là, tu leur donnes ça. Firestone, ils fatiguent, là, parce que les gens, ils achètent moins de leurs pneus, là. Les gars font du boycottage de Firestone, alors c'est les autres, je ne sais pas, moi, c'est Goodyear. C'est peut-être pas mieux comme compagnie, mais en tout cas, là, les travailleurs vont chercher un contrat, puis améliorent leur affaire comme ça, à l'intérieur de l'industrie, mais ça ne règle pas le cas pour l'ensemble du système capitaliste d'exploitation. À bord de ça, c'est qu'il y a des travailleurs qui, à un moment donné, veulent se battre, puis à un autre moment donné, ils ne veulent pas se battre. On a vu ça, je veux dire. Des ouvriers qui disent, ben, tel salaire, moi, ça fait mon affaire pour tout de suite, là, j'ai pas le goût d'aller en grève. Ou bien non, qui sont prêts à faire la grève pour une clause d'ancienneté, puis pas pour de l'argent. D'ailleurs, la plupart des grandes grèves, puis des grosses grèves, c'est des grèves sur ce qu'on peut appeler des questions de principe. La reconnaissance du syndicat, la reconnaissance du procédé des griefs, ou bien non, la reconnaissance de l'ancienneté, c'est pas généralement sur des questions de salaire. Monsieur, vous aviez une question? Oui, le communisme, ça fait pas mal plus loin. On va commencer par du socialisme. Pour moi, la démocratie, c'est le socialisme. La démocratie, c'est supposé être le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Or, là, on a le gouvernement, la dictature d'une minorité sur le peuple. Il y a juste la démocratie politique. Tout le monde a le droit de voter. Mais la démocratie économique, c'est une minorité qui gouverne les affaires du pays. Ce n'est pas le gouvernement d'Ottawa. Ce n'est pas le gouvernement de Québec. Et puis, la démocratie sociale, ben, c'est la minorité qui est au pouvoir qui décide quelle sorte de sécurité sociale on va avoir. De la démocratie industrielle, on n'en a pas non plus. Il faut se battre pour arracher ça morceau par morceau, puis appelle ça les droits de la gérance, puis ainsi de suite. Puis si les ouvriers ne se battent pas, leurs années de service ne seraient même pas reconnues, je veux dire. Alors, on n'est pas dans la démocratie. Moi, donne-moi de la démocratie pour vrai, puis je ne te parlerai pas de socialisme, parce que ça va naître, je veux dire. Ça va être l'utilisation des ressources humaines, des ressources naturelles, des ressources scientifiques pour la satisfaction des besoins de la population. Selon une hiérarchie des valeurs. C'est différent d'une dictature, ça. Ben non, c'est parce qu'on est des glorified slaves. Ben, former un parti, il faudra que les travailleurs décident d'en former un. Il ne faudra pas que ce soit des gars parce qu'ils ont lu ou ben non, qu'ils ont appris ce que c'était que le socialiste qui décide de le former. Ah, tu n'entendrais pas parler ici de la loyauté, là, ça m'étonnerait. Parce que, justement, c'est que toute l'éducation est dans le système à partir du cours primaire, je veux dire. Puis c'est tout organisé pour pas que les gars aient le temps de penser. Puis ce qui est le plus symptomatique dans les agissements de la junte au Chili, c'est qu'ils ont dit que les ouvriers étaient trop politisés. Puis ils ont brûlé des livres en 1973. Puis ils ont aboli même les partis de droite au Chili, bien sûr. Puis dans la crise d'octobre, le seul gars qui était condamné, c'était nommé Leblanc. Puis le juge Ouimet, qui est sur le banc depuis 26 ans à la Cour supérieure, il a mis dans son jugement deux paragraphes qui avaient été trouvés dans deux livres qui étaient chez ce gars-là. Puis c'était assez fort, ça. Puis la police provinciale à Rimouski, bien, ils ont saisi un livre sur le cubisme parce qu'ils pensaient que ça parlait de Castro. Ben, moi, ce que je veux, c'est la démocratie, je veux dire. que l'économie soit orientée en fonction de la satisfaction des besoins. Ça veut dire que tu t'en vas pas vider les forêts puis les saccager comme on fait depuis 100 ans. Puis là, on les donne outright, là. ITT, il n'est même pas obligé de transformer le bois là, qui va sortir de là, là. Il l'exporte. Puis les jobs s'en vont ailleurs. Ben, les méthodes, d'abord, les réservoirs d'argent, je veux dire. L'argent qu'il y a dans les compagnies de finances à rue Saint-Jacques, ça vient d'où? Ça vient des Québécois puis des Canadiens, je veux dire. Les primes d'assurance, puis les fonds de pension, puis toutes les affaires d'assurance. Jamais les Américains ont investi plus que 30 % dans les entreprises du Canada. Le reste, c'est de l'argent qu'ils ont pris par des debentures, des dépréciations, des profits accumulés. Puis quand c'est une ressource naturelle, ils ont droit à une « depletion allowance », comme les mines, comme s'ils avaient mis là eux autres, puis les forêts, puis les cours d'eau. Là, tu peux contrôler. Plus une compagnie est considérable, moins ça te prend d'action ou un bloc d'action moins considérable pour le contrôler. Tous les grands travaux publics au Canada, le canal Whelan, la canalisation du Saint-Laurent, la Trans-Canada Pipeline, le chemin de fer, c'était des entreprises publiques financées par le public. Moi, je ne pense pas qu'un régime capitaliste puisse se débarquer démocratiquement. C'est ce que les Chiliens ont essayé, puis c'est la dernière expérience qu'on va faire, ce que les gens devraient faire. Je pense que c'est pas vrai que ceux qui ont des privilèges les abandonnent. C'est sociologiquement pas vrai. Et puis, en fait, c'est que ça n'existe pas non plus. La droite est d'accord avec sa sorte de démocratie en autant qu'elle garde ses privilèges, en autant qu'une minorité domine la vie économique puis la vie politique. Jusque-là, ça marche, son affaire. Alors, pour y ôter le pouvoir, tu ne peux pas faire de changements constitutionnels sérieux, profonds, des changements économiques puis des changements sociaux profonds puis sérieux sans faire une révolution armée. Seulement, ça va selon les pays, ça. Il y en a qui sont prêts, puis il y en a qui ne sont pas prêts, puis il y en a d'autres. D'abord, ce qu'il faut faire ici, c'est un consensus pour la démocratie, contre le capitalisme puis pour le socialisme. Puis après ça, quand il y aura assez de monde de décider, bien là, ils décideront de prendre des armes. Les Marines viendront, bien non, l'armée viendra. Puis là, les gars décideront de faire ce qu'ils voudront, comme les Vietnamiens ont fait, je veux dire. Oui? Police, non. Ben oui. They should have the right to strike unless you have another device with which they will be satisfied. Because you cannot be the referee, the judge, and the bargaining agent at the same time. So if you say it's a public service and it is an essential service, like the taxi car in Montreal, are they an essential public service or not? How come that they are pushed around like fools for decades? The bus private company never had any concurrent. And they could have the fare they want. But the taxi drivers, if they would go on strike for 2 days, it will be a scandal. We will hear about the poor people who are not able to go to hospitals and those tourists who cannot have a taxi. But we don't give a damn if they starve. So, if you can find an arbitration board that the workers will accept, I'll agree with you, I mean. But the government and the management don't want referees that are impartial. Aha. So if you make a declaration that because they are essential, they are second-class citizens, this is your opinion, it's not mine. Now, you know, in this country, it's not like in Russia. In Russia, they don't have the right to strike. But here, you can strike during your vacation, during the weekend, during your coffee break. Otherwise, you'll have a special law. No, it's not no, it's yes. We had them already. Would you answer my question? Yes. Yeah. No, no, no. I don't believe that any citizen should be a second-class citizen. If you want everybody to, if you don't want them to go on strike, find another device. Offer them impartial chairman. That's all. We've tried it at McGill University. It's management who don't want impartial chairman. They'll rather go with their puppets of the government. Well, I say that I don't want to refrain the right to strike of anybody in this country. Is that clear enough? I want that anybody be able to go on strike whenever they see fit. No, oui, bien sûr. I have insurance for my house. Everybody has insurance for your house. There was insurance and firefighters before there was hospitalization scheme. Nice society we have. Everybody had firemen and the Bonnefontaine. Comment s'appelle ça, the Bonnefontaine? Hydro. But there was no hospitalization scheme. The buildings are well better protected than the people. And the right of property are better protected for material property than for the right to work and the right to your job. I know workers who have been 20 and 25 years with the same company. They're just in the street now. I'm not talking about protection of material goods. I'm talking about protection of human life. What do you mean on human life? So what? Pourquoi faire qu'il y a encore à peu près, there is something like 800 municipalities without firefighters in the province of Quebec? Why don't you make a campaign? Capitalism is upside down. It's not rational. Don't try to have it rationalized. To rationalize it, you won't be able. Oui. I've been trying. Oui. Où la politique est orientée selon la satisfaction des besoins du peuple. Ça peut varier d'un pays à l'autre. La Suède, c'est un peu mieux qu'ici, je veux dire. Ça pourrait être encore mieux. À Cuba, c'est mieux que c'était, je veux dire. L'économie est plus orientée vers la satisfaction des besoins des gens. C'est le pays au monde qui a combattu l'analphabétisme le plus vite dans tout le monde entier. En Cuba. En Suède, c'est plus avancé. Si on voulait parler vraiment du meilleur standard de vie au monde, il faudrait parler de celui de la Suède, pas celui des États-Unis avec 33 millions de populations qui crèvent de faim. Puis là, on va nous parler du Brésil, puis on va nous mettre la façade du Brésil, Rio puis São Paulo. Mais dans le nord-est du Brésil, il y a au-delà de 25 millions de populations qui crèvent de faim. Puis Braskem qui est là, dont vient M. Sharpe. M. Sharpe, c'est un des directeurs de Braskem.